তিনি গেছেন শিক্ষক পুরো আছে পুরো বৈজ্ঞানিক এ আছে সেটা আমি গেছি কোনো নতুন Thank you. 사랑하는 그 사람들이 그리스도 생활하고 있는 게 무엇이니? 딱 봐도 오늘이 되고 l'agriculture moderne a commencé, c'est la vie. on le teste, et après à la dépensée au train, c'est à l'heure. C'est une série. Nous sommes trois millénaires. Ça fait ça, six siècles maintenant. Mais les raisons, on n'a pas besoin d'aller. Faudra aller. On va bien aller en plus de jeu. On est fiers. On est fiers de notre catastrophe. Fiers de notre catastrophe. Alors que moi, j'ai une culture fluviale. Je n'ai pas l'impression des courses à la veine, ou la boucle. C'est pour intervenir, pour agir. Mais pour l'âme, la vérité, la révélation. Mais de la haine, c'est une parole en rien. Ça, c'est une chose à l'aider. حتى لو كان يعاود لي لا حاجه ما تحاجمش كنا كملنا ان شاء الله moins de 10 milliards, imaginez que nous exportons moins de 10 milliards. Alors que dans les voitures de l'année, depuis 10 mois, nous avons acheté pour 5 milliards 500 millions de voitures. final. Et de plus, et là, maintenant, pour pouvoir mettre une caméra, mettre un appareil photo, et puis flasher tout ce que je peux voir. C'est les derniers trucs qui se font aujourd'hui. La meilleure, c'est la meilleure voie optique qu'on nous donne. Qu'on nous donne. Bon, je me suis ruiné. Ruiné. Et tout ce que j'ai mis de côté pendant une année, il y a quelqu'un qui est beau, il y a quelqu'un qui est beau, il y a quelqu'un qui est beau, il y a quelqu'un qui est beau. Cabra. Cette plume, c'est les moments très légères. Non. Au-delà,